Chapitre 23e. Doué de ce coup d'œil rapide et pénétrant, de cette vive sensibilité aux objets extérieurs, qui sont le privilège des artistes de talent, André déchiffra en quelque sorte l'histoire de la société d'escompte mutuel sur la façade de la maison de la rue Sainte-Anne. Voici une boutique, fit-il, qui ne me dit rien de bon. Pas d'apparence, c'est vrai, objecta le jeune monsieur Gaston d'un ton capable. Mais du fond, beaucoup de fond. Il s'y brasse, voyez-vous, des affaires dont vous ne vous douteriez jamais. Ah, Vermine est un gaillard qui vous sait le truc. C'était justement ce que pensait André. Son opinion était irrévocablement arrêtée sur le compte de ce personnage de tant de trucs, capable d'abuser de l'inepte facilité d'un jeune idiot, et qui tendait au mineur la plume pour faire des faux. Il ne risqua cependant pas la moindre objection, et suivit le jeune monsieur Gandelufis qui semblait connaître admirablement les êtres. Sur ses pas, il longea un corridor fort long, encore plus étroit, puant et obscur, traversa une cour humide autant qu'un puits, et gravit un escalier à rampe visqueuse, à marche traîtresse et glissante autant que de la glaise. Arrivé au second étage, devant une porte historiée d'inscriptions et d'avis concernant l'ouverture et la fermeture de la caisse, le jeune monsieur Gaston s'arrêta. « C'est ici, » dit-il à son compagnon. « Entrons. » Il tourna le bouton, et suivant les indications de la porte, et André et lui pénétrèrent dans une vaste pièce haute de plafond, à tapisserie éraillée, ornée de banquettes de velours verdâtre, séparée en deux par un grillage à mailles serrées, derrière lequel cinq ou six employés mangeaient, car c'était l'heure du déjeuner. Les émanations du poêle de fonte, des paperasses, des employés et des victuailles se mêlaient et se confondaient en un parfum qui saisissait l'estomac et le nez et produisait la sensation d'une barbe de plumes chatouillant l'arrière-gorge. « Monsieur Verminet ?» demanda le jeune monsieur Gaston. « En affaires !» répondit insoucieusement un des commis la bouche pleine. Cette réception parut on ne peut plus inconvenante à l'intelligent jeune homme. Le traiter avec ce sans-gêne, lui. « Hein ? » fit-il en enflant sa voix de fossé du ton le plus impertinent qu'il put prendre. « Vous dites ? Je la fais aux autres, celle-là, mais on ne me la fait pas. » Il sortit en même temps de sa poche et présenta à l'employé une de ses cartes de visite timbré dans un angle de cette couronne de marquis dont la vue exaspérait et faisait bondir l'honnête entrepreneur. Si Verminet est occupé, ajouta-t-il, dérangez-le, parbleu. Dites-lui que c'est moi qui le laisse attendre, Gaston de Grandelu. L'employé de la société d'escompte mutuel fut si ému de ses airs superbes que, sans mot dire, il se dressa, prit la carte et, sortant du grillage, disparut par une porte latérale sur laquelle on lisait Direction. Quelle victoire pour le jeune monsieur Gaston. Aussi jeta-t-il à André un regard triomphant où éclatait le plus légitime orgueil. Presque aussitôt, le commis reparut. « Monsieur Verminet est en conférence. Il vous prie, monsieur, de l'excuser et d'attendre. Il vous recevra dès qu'il aura terminé. » Puis, jaloux sans doute de se concilier les bonnes grâces d'un homme de tant de désinvolture et de bien poser son patron, du même coup, il ajouta en s'inclinant respectueusement « Le patron cause en ce moment avec le marquis de Croisenois. Tiens, tiens, tiens, exclama le jeune monsieur Gaston, ce cher marquis, elle est bien bonne. Dis-lui qu'il sera ravi de me serrer la main. À ce mot de Croisenois, André avait tressailli et tout son sang avait afflué à son visage. Croisenois, c'était l'homme qu'il haïssait de toute l'énergie de son être, ce misérable, qui, s'armant d'un secret volé, comme l'assassin de l'ignoble couteau, allait contraindre Sabine de Mussidan à lui abandonner sa main. C'était ce vil scélérat que M. de Broël Faverlet et lui, André, et M. de Bois d'Ardon s'étaient jurés de démasquer. Cependant, André ne l'avait jamais vu. Il comptait le jour même s'attacher à ses pas, le suivre, l'observer, surprendre son présent, fouiller son passé, sonder tous les mystères de sa vie, mais il ne le connaissait pas encore physiquement. Et il frissonnait à cette idée qu'une porte seule le séparait de cet ennemi mortel, qu'il allait le voir, qu'il traverserait la salle, qu'il se trouverait face à face, que leurs yeux se croiseraient, qu'il entendrait le son de sa voix, qu'il pourrait d'un regard essayer de plonger au plus profond de cette âme debout. Si forte était son émotion, qu'il avait grand-peine à la dissimuler. Heureusement, son compagnon ne faisait nulle attention à lui. Sur l'invitation de l'employé, le jeune monsieur Gaston s'était assis, et renversé sur sa chaise, les jambes croisées, les pouces dans les entournures de son gilet, il s'étalait, s'offrait de trois quarts, de profil et de face, à l'admiration ébahie des tristes airs qui écrivaient derrière le grillage. Quand il jugea tout son effet produit, il tira André par son paletot et penchant sa chaise vers lui. « Vous connaissez ce cher marquis ? » demanda-t-il assez haut pour que personne dans la salle ne perdît un mot. André eut une exclamation sourde que l'autre prit pour une réponse négative. « Quoi ? Vous n'en avez pas entendu parler ? Elle est forte. Dans quel monde vivez-vous donc ? Henri de Croisenois est un de mes bons amis. Même il me doit 50 louis que je lui gagnais au bac, chez Ernestine, une misère. » André n'écoutait pas. Il était émerveillé, confondu, de cette surprise du hasard, ou plutôt de la voie mystérieuse choisie par la Providence. Jamais, en donnant comme il l'avait projeté sa matinée au préliminaire de ses investigations, il ne découvrait rien qui approchât de ce qu'il apprenait en ce moment. C'était un indice grave qu'il recueillait, il en avait le pressentiment. Il avait jugé Verminet, et les relations de Croisenois avec ce ténébreux maquignonneur d'affaires avaient une claire signification. De ce côté, évidemment, il fallait diriger les recherches. André, jusqu'alors, se débattait au milieu d'épaisses ténèbres qu'il sentait vaguement peuplées d'ennemis, à cette heure il apercevait comme une lueur. Il allait s'élancer au hasard, et voici qu'il lui semblait tenir le bout du fil qui allait le guider à travers le labyrinthe d'iniquité et de Croisenois. Comme à ce jeu où le perdant est condamné à retrouver un objet caché, et le cherche, guidé par des indications railleuses, il entendait au-dedans de lui-même une voix qui lui criait « Tu brûles !» De plus, il se trouvait que cet inepte garçon, dont il devenait le mentor, était lié avec le misérable. Pourquoi n'en tirerait-il pas de précieuses indications ?« Vraiment ?» lui demanda-t-il. « Vous êtes l'intime de M. de Croisenois ?»« Parbleu !» répondit le jeune M. Gaston. « Demandez plutôt à Adolphe de chez Brébant. Vous allez voir tout à l'heure. » « Je suis surtout du dernier bien avec une dame qui lui coûte les yeux de la tête, tandis que moi. Ah, elle est bien drôle, mais mystère, comme dit Léonce, beaucoup de mystère. » Il s'interrompit, la porte de la direction venait de s'ouvrir, laissant passage au sieur Verminet et au marquis. Monsieur Henri de Croisenois portait un costume du matin, fort élégant, à la mode, mais non ridicule, comme celui de Gandelufis. Il mâchonnait son éternel cigare et fouettait son pantalon de drap gris clair, au bout d'une badine de cuir de Russie à pommes d'or. D'un coup d'œil, d'un seul coup d'œil, où il concentra toute son âme, tout ce qu'il avait d'intelligence, de pénétration, de finesse, André vit assez Croisenois pour ne l'oublier jamais, peut-être à même de faire encore son portrait de mémoire au bout de 20 ans. Il lui trouva l'air faux et traître, et sous les apparences du viveur de bonne compagnie, insoucieux et sceptique, il crut reconnaître une astuce réfléchie, une méchanceté froide, et cette redoutable détermination des gens prêts à tout. Le regard surtout le frappa par sa mobilité. Les yeux lui parurent troubles, inquiets, effarouchés comme ceux de l'homme qui, ayant fait un mauvais coup, sait qu'il a tout à craindre et attend le danger de partout et à tout instant. « Il est impossible, pensa André, que cet homme ne soit pas un scélérat. » À 5 pas, le marquis, avec ses petites moustaches fines et soyeuses, jouait encore le jeune homme. Mais André reconnut qu'en réalité il devait être bien plus vieux que son âge. Sous les artifices d'une toilette savante, sous le cold cream et la poudre de riz, l'artiste distinguait les traits flétris du libertin surmené. Les émotions du jeu, les nuits de débauche, les anxiétés d'une existence précaire, les plaisirs exorbitants, avaient ridé les tempes, éclairci les cheveux, fané les lèvres et bridé les paupières veuves de cils. M. de Croisenois semblait d'ailleurs de la meilleure humeur du monde, et c'est du ton le plus gai que Verminet et lui achevaient la conversation commencée, ou plutôt la résumaient, comme on fait presque toujours après un long entretien, au moment de se séparer. « Il demeure donc, bien entendu, disait le marquis, que je n'ai pas à me préoccuper des affaires qui ne concernent que vous et moi. Inutile, j'aviserai. N'y manquez pas, surtout, diable. Un retard, un malentendu, un oubli auraient des conséquences graves. » Cette recommandation suggéra une idée sérieuse à Verminet, car se penchant vers son client, il se mit à lui parler très bas, et il riait. Que disait-il ? André avait beau écouter de toutes ses forces, pas une syllabe n'arrivait jusqu'à lui. Mais c'était beaucoup déjà de savoir que ce noble personnage et le directeur de la société d'escompte mutuelle avaient des intérêts communs. Le jeune M. Gaston, lui aussi, prêtait l'oreille, entièrement dépité de n'être pas remarqué, malgré ses « répétés. Bientôt, n'y tenant plus, il s'avança vers M. de Croisenois, quitte à l'interrompre, plus que jamais arrondissant le dos, la bouche en cœur et la main largement tendue. hé !» fit-il en exagérant encore son insupportable ricanement. « Ce cher marquis est-elle assez bonne? Si je m'attendais à vous trouver ici, par exemple. Ah ça, que devenez-vous? On ne vous voit plus. Et Sarah, joue-t-on toujours chez elle ?» Si le marquis fut satisfait de la rencontre, à coup sûr, il n'y parut guère. Il sembla surpris, mais non agréablement. Ses sourcils même se froncèrent. Cependant, il serra du bout de ses doigts gantés de gris clair la main qui lui était tendue, en disant du ton le moins encourageant « Ravi de vous voir, cher monsieur, en vérité. » Mais il ne dit que cela, et tournant assez possiblement le dos au jeune monsieur Gaston, il continua à s'adresser à Verminet. « Pour le reste, disait-il, toutes les difficultés sont levées, et comme il n'y a pas une minute à perdre, voyez aujourd'hui même Martin Rigal et Mascaro. » André tressaillit. Ces gens dont parlait Croisenois n'étaient-ils pas des complices? Il voyait des complices partout. En tout cas, ces deux noms se gravèrent dans sa mémoire comme le poinçon dans le métal sous le puissant effort du balancier. « Père Tantaine, venu ce matin, répondit Verminet, m'a donné rendez-vous pour 4 heures chez Patron. Il rencontrerait Van Kloppen, lui parlerait pour bel ami. » Le marquis haussa les épaules en éclatant de rire. « Par ma foi, fit-il, j'oubliais cette diablesse de femme. Et nous sommes en plein carnaval. Il faut des robes, il faut de la soie, il faut des dentelles. Parlez à Van Kloppen, mon cher, parlez. Mais vous savez, pas de largesse. Je me moque à cette heure de Sarah comme de ça. » Ça, c'était le claquement de l'ongle de son pouce sous sa dent. « Compris, » approuva Verminet. « Connu et compris. Évitons imprudence, cependant, brusqué et dangereux. Mouvement possible de ce côté. Liquidation à la douce plus sûre que les autres. Oh, de ce côté, » fit M. de Croisenois, « rien à craindre. » Une dernière fois, il serra la main du directeur de la Société d'escompte mutuelle et ajouta « Allons, salut, à demain. » Tout était convenu. Le marquis traversa rapidement le bureau et sortit après un léger salut au jeune M. Gaston, sans daigner remarquer la présence d'André, qui du reste se dissimulait de son mieux. Le second du fils, lui, s'était rapproché du jeune peintre. « Étonnant, » murmura-t-il. « Épatant, hein? Quel chic. Il est vraiment marquis. Jules de chez Bonnefoy me l'a dit. » « Et il est mon ami, vous avez vu ?» Évidemment, il allait poursuivre et donner d'étourdissants détails sur Sarah, cette dame que, lorsqu'il fut interrompu par la voix du sieur Verminet. « À vos ordres, messieurs, » criait cet honorable financier. « Prenez peine de passer, 1000 pardons, très pressé, 1 heure déjà, et pas paru bourse, coulisses inquiètes. » Lorsqu'André et le jeune monsieur Gaston entrèrent, refermant soigneusement la porte derrière eux, M. Verminet avait déjà regagné son siège de cuir. M. Verminet est mieux que ses bureaux, plus brillant que son personnel. D'abord, il est propre. Sa tenue, qui est celle des jeunes employés à la liquidation, les plus élégants des boursiers, fait l'éloge de son tailleur. Est-il jeune, est-il vieux, on ne saurait le dire. Il n'a guère plus d'âge qu'une pièce de 100 sous. Il est gras, frais, rose, blond, porte ses favoris à l'anglaise, et son œil terne, qui rend bien des sensations, et glacial comme un soupirail de cave. Sa grande préoccupation est de passer pour un homme sérieux, très sérieux, connaissant exactement la valeur de toute chose, et c'est pour économiser le temps qu'il a adopté le langage des nègres et du télégraphe. « Seyez, messieurs, » fit-il, économisant, grâce à ce vieux mot, la syllabe « A, seyez-vous. » Même ce grand Lufis lui aussi était pressé. « Merci, » répondit-il, « nous ne sommes pas des gêneurs. Un mot seulement, comme dit Geoffroy, un simple mot. « Vous m'avez prêté de l'argent la semaine passée. Juste, en voulez-vous encore ?»« Ah mais non, au contraire, nous venons retirer mes billets. » Un léger nuage passa sur le front du sieur Verminet. « Échéance au 15 prochain seulement, » fit-il. « N'importe, j'ai le sac. Et alors, vous comprenez, si vous voulez me remettre ces chiffons ?»« Pas possible. Hein, vous dites, pourquoi ?»« Négocier. » Ce mot tomba comme un coup de trique sur le crâne du jeune monsieur Gaston. « Négocier. » balbutia-t-il d'une voix défaillante. « Vous avez négocié ma signature? Je la trouve mauvaise, excessivement mauvaise. Mais non, ce n'est pas vrai, vous plaisantez, hein? Plaisante jamais. » Le triste garçon n'en pouvait croire ses oreilles. Non, il ne pouvait imaginer que ce fût sérieux. Il était absolument décontenancé, confondu, ahuri. « Mais ce n'est pas de jeu, » reprit-il. « Ce n'est pas à moi qu'on l'a fait, celle-là. Je retire ma mise. » « Si j'ai signé, c'est qu'il était convenu que ces effets ne sortiraient pas de votre portefeuille. C'était entendu, promis. »« Dis pas non. Mais promettre et tenir, deux. Affaires lourdes, bénéfices incertains, trouver preneur, donner papier. L'aventure ne surprenait pas beaucoup André. Il avait vaguement pressenti quelques tours de ce genre. Aussi, voyant que M. Gandelufis perdait totalement la tête, crut-il devoir prendre la parole. « Pardon, monsieur, » dit-il au laconique directeur, « il me semble que certaines circonstances particulières vous faisaient un devoir de respecter les conventions jurées. » Le sieur Verminet s'inclina tout d'une pièce et au lieu de répondre, « Honneur de parler à qui ? » interrogea-t-il. André, qui devenait de plus en plus défiant, à mesure qu'il s'engageait dans cette affaire, ne jugea pas à propos de décliner son nom. « Je suis, » dit-il évasivement, « un ami de M. Gandelu. Parfait. Je reprends, monsieur. Donc vous avez prêté à mon ami 10 000 francs. Excusez, 5 000. » André, un peu étonné, se retourna vers son compagnon, qui de blême qu'il était, devint cramoisi. « Que veut dire ceci ? » demanda-t-il. « Une bonne charge. Je vous avais annoncé 10 000 francs parce que j'avais besoin de la différence pour Zora, vous comprenez ?»« Soit, » reprit le jeune peintre. « Allons, monsieur Verminet, c'est 5 000 francs que vous avez remis à monsieur Gandelu sur sa signature. Rien de plus naturel. Ce qu'il est moins, c'est de l'avoir incité, décidé, à imiter la signature d'une autre personne. C'est un faux, monsieur. » Verminet ne put s'empêcher de tressauter sur son fauteuil. « Un faux ? » murmura-t-il. « Pas connaissance. » Cette rare impudance fouetta le sang du jeune monsieur Gaston et le tira du stupide anéantissement où il restait plongé. « Trop forte ! » s'écria-t-il. « Elle est trop forte ! Comment, Verminet ? Ce n'est pas vous qui m'avez dit que pour votre garantie personnelle, il vous fallait un nom au-dessus du mien ? Celle-là, on ne me la fait pas ! C'est si bien vous que vous m'avez mis sous les yeux une lettre en me disant « Tenez, imitez vaille que vaille ce paraphe, c'est celui de M. Martin Rigal, le banquier de la rue Montmartre. » Je ne voulais pas. Et alors vous m'avez donné votre parole sacrée que ce n'était qu'une formalité qui ne m'engageait à rien qu'à payer exactement, que les papiers ne sortiraient pas de votre tiroir. Et vous niez ? Non, ce n'est pas délicat, et vous me faites de la peine. » Le très honorable directeur écoutait d'un air glacé. « Accusation mensongère, » dit-il enfin, « preuve absente. Société incapable d'action blâmable, punie par loi. » « Cependant, monsieur, » insista André, « vous n'avez pas hésité à mettre de tels billets en circulation. Avez-vous calculé les épouvantables conséquences de ce manque de parole ? Qu'arriverait-il si on présentait à M. Martin Rigal cette fausse signature ? Danger improbable. Gandelu créateur, Rigal endosseur, billet échu toujours présenté à créateur. » Le jeune M. Gaston se répandait en récrimination, mais André comprit bien que toute discussion serait oiseuse et que les raisons les plus fortes se briserait contre une volonté mûrement réfléchie et arrêtée. Le guet-apens était évident, mais quel était son but ? « Brisons-la, » fit le jeune artiste. « Un seul moyen nous reste de conjurer le péril. Il faut nous mettre à la poursuite des billets et tâcher de le rejoindre. Sage. Mais pour ce faire, monsieur, il faut que vous ayez la complaisance de nous dire à qui vous les avez passés. » Le sieur Verminet eut ce geste familier des bras qui traduit éloquemment la plus complète ignorance. « C'est pas, » fit-il. Oubliez. » André s'était bien juré qu'il serait patient, qu'il ne se laisserait même pas émouvoir. Mais les forces humaines ont leurs limites. Il s'était animé peu à peu. L'impassibilité de ce froid coquin, sa superbe impudence, ses façons de parler l'agacèrent si bien qu'il oublia ses serments. « Eh bien moi, monsieur, » fit-il de cette voix de basse sifflante, qui annonce la plus extrême fureur difficilement contenue, « moi, je vous engage, dans votre intérêt, à faire un appel énergique à votre mémoire. Menace ? Vous prévenant charitablement que si elle vous trahit, cela va être vraiment fâcheux pour vous. Oui, sur mon honneur. » Il n'y avait pas à se méprendre au ton du jeune peintre. Le sieur Verminet ne s'y méprit pas. « Cherchez à côté, » fit-il. Il se levait, comptant bien s'esquiver, mais André se jeta devant la porte. « Vous trouverez sans sortir d'ici, » prononça-t-il, « et sacrebleu, faites vite. » Pendant 2 minutes au moins, ils restèrent immobiles en face l'un de l'autre, se toisant, se mesurant, s'évaluant. Verminet, vert de peur et affreusement troublé, André tout vibrant de colère, la lèvre blanche et tremblante, l'œil flamboyant. « Si ce misérable bouge, » pensait André, tout à fait hors de lui, « je le jette par la fenêtre. » « Ce grand garçon est bâti comme un Hercule, » se dit Verminet, « et quel air, il est capable de me faire un mauvais parti. » L'idée d'appeler ses employés à l'aide lui vint bien. Il la repoussa pour des raisons que ne pouvait soupçonner André. Se sentant bien pris, il se décida à céder et se frappant soudain le front. « Étourdi ! » s'écria-t-il. « Indication là !» Il courut à son bureau et sortit d'un tiroir un volumineux agenda qu'il se mit à feuilleter prestement. Mais André, qui ne perdait pas de vue un seul de ses mouvements, constata qu'il le tenait la tête en bas. Cependant, il parut lire le renseignement promis. « Ah ! Billet Gondelu et Rigal, France 5000, passé à Van Kloppen, tailleur pour dames, reçu espèce, commission en compte. » Le jeune peintre se taisait. Un mot de Croisenois lui avait appris que Berminet était en relation avec Van Kloppen, le couturier, et Martin Rigal, le banquier. Or, comment Berminet avait-il fait imiter à Gaston précisément la signature de Martin Rigal, et pourquoi avait-il tout justement donné ses faux à Van Kloppen? Impossible de voir là un simple jeu du hasard, il fallait que des liens d'intérêt secrets existassent entre ces trois hommes et le marquis de Croisenois. Eh bien, demanda enfin l'honorable directeur de la Société d'escompte mutuelle, vous content? Van Kloppen aura-t-il encore les billets? Murmura M. Gandelufis. Ne sais. Qu'importe, fit André. Il nous dira où ils sont. Venez, Gaston. Ils sortirent, et dès qu'ils furent dans la rue, le jeune artiste, passant son bras sous celui de son compagnon, l'entraîna au pas de course dans la direction de la rue de Gramont. « Je ne veux pas, disait-il, laisser le temps à Verminet de prévenir l'autre. Je veux tomber chez Van Kloppen comme un boulet. »